Peut-on encore croire à la beauté du monde ? Notre sentiment de beauté ne porte pas seulement sur des êtres singuliers ou sur des choses individuelles, sur telle ou telle personne qui suscite en nous cette exclamation qui n'est jamais très loin du désir et de l'amour, ou sur cet objet ou même cette œuvre d'art singulière. Ce sentiment peut s'étendre à des espèces entières, à la beauté des êtres vivants, à la beauté inadressée, disent les éthologistes, les spécialistes des vivants et aussi des plantes d'ailleurs, qui sont belles, a-t-on l'impression, pour rien, pour le plaisir, sans pourquoi, disait aussi le poète. Et il y a la beauté du monde en général, cette beauté dont, évidemment, on a envie de penser qu'elle reflète un ordre suprême, peut-être un bien et une vérité mathématique aussi, dans cet ordre qui fait que l'univers a aussi sa forme de beauté cosmique, de beauté universelle. Et ce sentiment est pour nous un sentiment anthropologique fondamental, quelque chose dont les philosophes de l'Antiquité faisaient un des signes du bonheur et du bien. Et pourtant, cette beauté du monde nous est-elle encore accessible ? Les humains ne l'ont-elles pas détruite ? Et cela même de deux façons. Non seulement en enlaidissant le monde, objectivement, avec ce monde parfois si moche autour de nous, et pas seulement dans des zones spécifiques de certaines, par exemple, périphéries urbaines, mais dans un monde entièrement enlaidi, où nous ne pouvons plus accéder peut-être même à la beauté du ciel étoilé, par cause de la pollution lumineuse, à la beauté de l'océan, à cause des plastiques qui l'habite, qui le hante en quelque sorte. Ça, c'est du côté du monde lui-même. Mais nous ne pouvons plus non plus ressentir la beauté du monde quand nous sommes détruits intérieurement par la méchanceté humaine. Le sentiment de la beauté n'est pas toujours possible. On sait bien que ventre affamé n'a point d'oreille, que le paysan qui travaille la terre n'a pas toujours le temps de contempler le coucher de soleil. Et on sait bien aussi qu'un cœur brisé ne peut plus se réjouir de la beauté même de la mer et du ciel. Que pour jouir de la beauté du monde, il ne faut pas avoir été entièrement détruit par les humains et qu'il y a des conditions subjectives à cette contemplation esthétique. La beauté du monde nous est-elle encore possible ? Les humains ne l'ont-elles pas détruite à la fois du côté des objets et du côté des sujets ? Nous est-elle encore possible ? Poser la question, c'est y répondre. Si nous la posons, c'est parce que cette beauté nous apparaît nécessaire. Elle doit bien être possible puisque nous ne pouvons pas vivre sans elle. Puisque pouvoir ressentir la beauté du monde, c'est comprendre que le monde lui-même est encore vivant et que nous sommes encore capables d'y habiter, encore capables d'en jouir, encore capable de la ressentir et avec elle tout le reste. On revient beaucoup aujourd'hui et on a raison et il faut continuer à se rencontrer pour en parler à l'idée d'une beauté vitale, peut-être plus vitale que jamais. La beauté, c'est la relation entre les vivants, mais pas seulement individuelle et déjà normée par les sociétés humaines ou l'histoire de l'art, mais cosmique, peut-être une relation au monde qui nous rend au monde, mais aussi évidemment à nous-mêmes.